La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Bonsoir à tous. Vous êtes bien sur la radio des bons coups pour la bonne lecture du soir. Ce soir, nous continuons notre livre Christmas Pudding d'Agatha Christie. Notre ami Hercule Poirot est encore et toujours à mon repos, en train d'essayer d'élucider le mystère du meurtre de Sir Reuben. Et ce soir, je vous lis le chapitre 11. « Il faut se décider, murmura-t-il, se parlant à lui-même, et faire vite, saisir la première occasion. » Son premier soin en rentrant fut de demander à Parson où il pourrait trouver Miss Margrave. Parson lui dit qu'elle était dans le petit bureau en train de mettre à jour la correspondance de Lady Astwell. Il trouva sans peine le petit bureau. Lily Margrave écrivait, assise devant une table, près de la fenêtre. Elle était seule. Poirot ferma soigneusement la porte derrière lui et s'approcha de la jeune fille. « Voulez-vous m'accorder quelques minutes d'entretien, mademoiselle ?»« Avec plaisir. » Lily repoussa les papiers qu'elle avait devant elle et se tourna vers lui. Que puis-je faire pour vous ? Mademoiselle, je crois avoir compris que le soir du drame, lorsque Lady Astwell est venue retrouver son mari, vous êtes allée vous coucher directement. Est-ce exact ? Oui. Et ensuite, vous n'êtes pas redescendue par hasard ? Non. Il me semble, mademoiselle, que vous avez dit n'être allée ce soir-là à aucun moment à la salle de la tour. Je ne me souviens pas de l'avoir dit, mais en effet, c'est vrai, je n'y ai pas mis les pieds. Poirot leva les sourcils. Étrange, murmura-t-il. Que voulez-vous dire ? Que c'est fort étrange. Alors, comment expliquez-vous ceci ? Il sortit de sa poche un petit morceau de mousseline de soie verte maculée de sang et le tendit à Lily pour qu'elle le voie bien. Elle ne changea pas de visage, mais le détective, sans même l'entendre, se rendit compte qu'elle respirait plus vite. Je ne comprends pas, monsieur Poirot. Si je ne me trompe, mademoiselle, vous portiez une robe de mousseline de soie verte ce soir-là. C'est de là que vient ce chiffon, dit-il. Et vous l'avez trouvé dans la salle de la tour ? Demanda vivement la jeune fille. À quel endroit ? Poirot regardait le plafond. Pour le moment, nous dirons simplement dans la salle de la tour. Une expression de terreur apparut pour la première fois dans le regard de Lily. Elle faillit parler, mais se retint. Poirot observait ses mains blanches et fines crispées sur le bord de la table. « Je me demande si je suis allée ce soir-là dans la salle de la tour, » dit-elle comme si elle pensait tout haut. « Je suis presque certaine que non. Si ce bout de chiffon y est depuis si longtemps, il me semble bien extraordinaire que la police ne l'ait pas découvert tout de suite. » La police ne pense pas à beaucoup de choses auxquelles pense Hercule Poirot. « Peut-être y suis-je entrée un instant, juste avant le dîner, » continua Lily sur le même ton. « Ou était-ce la veille ?» J'avais la même robe. Oui, je suis presque sûre que c'était la veille. Je ne le crois pas, dit Poirot. Pourquoi ? Il ne fit qu'un signe négatif. Vous voulez dire ? Commença Lily. Elle était penchée en avant, les yeux fixés sur lui, pâle comme une morte. Vous n'avez pas remarqué que ce fragment d'étoffe est taché, mademoiselle ? Et il n'y a pas à en douter, la tache est du sang humain. Vous dites ? Je dis, mademoiselle, que vous êtes allée dans la salle de la tour après le crime, et non avant. Je crois que vous ferez bien de me dire toute la vérité, si vous ne voulez pas avoir des ennuis encore plus graves. Il s'était levé, l'air sévère, redressé de toute sa petite taille. Il pointait vers elle un index menaçant. « Comment avez-vous découvert ?» dit Lily. « Peu importe, mademoiselle. Hercule Poirot sait. Je sais qu'il existe un capitaine Humphrey Naylor et que vous êtes descendu pour le voir cette nuit-là. » Subitement, Lily s'effondra, la tête sur ses bras étendus, et fondit en larmes. Aussitôt, l'attitude de Poirot changea. « Là, mon petit, ne vous désolez pas, » dit-il en lui tapotant l'épaule. « On ne peut pas tromper Hercule Poirot. Une fois que vous l'aurez compris, toutes vos misères finiront. Et maintenant, vous allez me raconter toute l'histoire. Vous voulez bien raconter ça, au papa Poirot ?»« Ce n'est pas ce que vous croyez, pas du tout. » Humphrey, mon frère, ne l'a pas touché. Votre frère ? Dit Poirot. C'est donc ça. Eh bien, si vous voulez qu'il échappe aux soupçons, il faut me raconter tout, maintenant, sans aucune réserve. Lily se rassit, repoussa les cheveux qui lui tombaient sur la figure, et au bout d'un instant, elle se mit à parler d'une voix basse mais claire. « Je vais vous dire la vérité, monsieur Poirot. Je vois maintenant que ce serait absurde de ne pas le faire. Mon vrai nom est Lily Naylor. Humphrey est mon unique frère. Lorsqu'il était en Afrique, il y a quelques années, il a découvert une mine d'or. Je devrais plutôt dire, il a découvert de l'or. Je ne peux pas bien raconter cette partie-là parce que je ne comprends rien aux détails techniques, mais ça peut se ramener à ceci. La chose semblait pouvoir devenir une énorme affaire. Humphrey est rentré, porteur de lettres adressées à Sir Reuben Astwell, qu'on espérait intéresser à cette entreprise. Je ne comprends rien aux droits de chacun, maintenant encore, mais je sais que Sir Reuben a envoyé là-bas un expert chargé de lui faire un rapport. Par la suite, il a dit à mon frère que le rapport de l'expert était défavorable et que lui, Humphrey, s'était complètement trompé. Mon frère est retourné en Afrique avec une expédition qui est partie pour l'intérieur du pays et dont on a perdu la trace. On a supposé que l'expédition avait péri et mon frère avec elle. Très peu de temps après cela, une société s'est constituée pour l'exploitation des gisements d'or au Impala. Quand mon frère a fini par revenir en Angleterre, il a tout de suite pensé que ces gisements étaient ceux-là même qu'il avait découverts. En apparence, Sir Reuben Astwell n'avait rien de commun avec cette société qui, semblait-il, avait prospecté les gisements par ses propres moyens. Mais cela ne satisfait pas Humphrey. Il demeurait convaincu que Sir Reuben l'avait trompé délibérément. Cette affaire le rendait de plus en plus amer et malheureux. Nous sommes seuls au monde, lui et moi, et comme il devenait nécessaire que je gagne ma vie, j'ai conçu l'idée de prendre un emploi chez Lady Astwell, qui cherchait une secrétaire. Je voulais tâcher de savoir s'il existait, oui ou non, un rapport entre Sir Reuben et les gisements de Impala. Pour des raisons faciles à comprendre, j'ai pris un nom qui n'était pas le mien. Et je l'admets, franchement, je me suis servi de fausses références. Les candidates à l'emploi que je briguais étaient nombreuses et généralement plus qualifiées que moi pour l'obtenir. Alors, enfin, monsieur Poirot, j'ai écrit une magnifique lettre de la duchesse de Perthshire qui, je le savais, venait de partir pour l'Amérique. Je pensais que l'intervention d'une duchesse impressionnerait Lady Astwell. J'avais raison, elle m'a engagée sur le champ. Depuis lors, je suis l'être méprisable et odieux, l'espionne. Et jusqu'à une époque très récente, sans aucun succès. Sir Reuben n'était pas homme à livrer les secrets de ses affaires, mais Victor Astwell est revenu d'Afrique. Il est moins circonspect dans ses discours et j'ai commencé à croire que Humphrey ne s'était pas trompé. Mon frère est venu ici une quinzaine de jours avant le crime et je suis sortie la nuit pour le rencontrer. Je lui ai rapporté ce qu'avait dit Victor Astwell. Il en avait été extrêmement ému et m'a assuré que j'étais sur la bonne piste. Après cela, les choses ont commencé à se gâter. Quelqu'un a dû me voir sortir de la maison et le dire à Sir Reuben. Il est devenu méfiant. Il a cherché mes certificats et s'est vite aperçu qu'ils étaient faux. La crise a éclaté le jour du crime. Je crois qu'il me soupçonnait de convoiter les bijoux de sa femme. Quels qu'aient été ses soupçons, il avait décidé de ne pas me tolérer plus longtemps sous son toit. Il acceptait pourtant de ne pas me poursuivre pour m'être présenté sous une fausse identité. Lady Astwell a pris mon parti sans hésiter et a résisté courageusement à son mari. Elle se tut. Poirot restait très grave. Et maintenant, mademoiselle, nous arrivons à la nuit du crime. Lily baissa la tête. Elle avala péniblement sa salive. Il faut que je vous dise pour commencer que mon frère était revenu et que je m'étais arrangée pour le voir encore une fois cette nuit-là, en cachette. Je suis bien montée dans ma chambre, comme je l'ai dit, mais je ne me suis pas mise au lit. J'ai attendu que tout le monde dorme, je suis descendue comme une ombre et je suis sortie par la porte qui est sur le côté de la maison. J'ai retrouvé Humphrey et l'ai rapidement mis au courant des événements. Je lui ai dit que les papiers dont il avait besoin devaient être dans le coffre de Sir Reuben qui se trouve dans la salle de la tour. Nous avons décidé de tenter dans la nuit une dernière aventure désespérée pour nous en emparer. Je devais passer devant et m'assurer que les voies étaient libres. Minuit venait de sonner quand je suis rentrée par où j'étais sortie. J'étais au milieu de l'escalier qui monte à la salle de la tour lorsque j'ai entendu le bruit d'une chute et quelqu'un a crié « Mon Dieu, mon Dieu !» Presque aussitôt, on a ouvert la porte de la salle de la tour et j'ai vu sortir Charles Leverson. Sous le clair de lune, je voyais nettement sa figure, mais moi j'étais accroupie dans un coin très sombre de l'escalier, plus bas que lui, et il ne pouvait pas me voir. Il resta là un moment, les jambes flageolantes, le visage décomposé. Il avait l'air d'écouter. Puis après un effort visible pour se ressaisir, Il a rouvert la porte de la salle de la tour et a crié quelque chose. Qu'il n'y avait pas de mal, je crois. Sa voix était gaie, insouciante, même sa figure. C'était bien différent. Il est resté encore un instant là, puis il s'est mis à monter lentement et a disparu sur le palier du second étage. J'ai attendu quelques secondes et je me suis glissée dans la salle de la tour. J'avais le sentiment qu'il était arrivé quelque chose d'affreux. Le plafonnier était éteint, il n'y avait pas d'autre lumière que celle de la lampe du bureau, et j'ai aperçu Sœur Reuben étendue par terre contre la table. Je ne sais pas comment j'ai rassemblé assez de courage pour m'en approcher. Je me suis agenouillée auprès de lui, j'ai vu tout de suite qu'il était mort. Il avait été frappé par derrière et la mort ne devait remonter qu'à quelques minutes. J'ai touché sa main, elle était toute chaude, c'était horrible, monsieur Poirot, horrible. Elle frissonnait en y pensant. « Et alors ?» dit Poirot en la regardant attentivement. Lily baissa la tête. « Oui, je sais ce que vous pensez. Pourquoi n'ai-je pas donné l'alerte, réveillé toute la maison ?» Mais agenouillée là, j'ai compris soudain que la prévention de Sœur Reuben contre moi m'a sortie à la dérobée pour voir Humphrey, mon congédiement, je devais partir le lendemain, constituer un enchaînement de faits graves et bien dangereux. On dirait que j'avais introduit mon frère dans la maison et qu'il avait tué Sœur Reuben par vengeance. Et si j'affirmais que j'avais vu Charles Leverson sortir de la salle de la tour, personne ne me croirait. C'était atroce, monsieur Poirot. Des pensées tumultueuses se succédaient dans ma cervelle et à mesure que je réfléchissais, je sentais mon courage m'abandonner. Tout d'un coup, j'ai vu les clés de Sœur Reuben. Elle avait dû sortir de sa poche au moment de sa chute. La clé du coffre-fort était dans le trousseau. Je connaissais le chiffre de la combinaison car Lady Astwell l'avait dit une fois en ma présence. J'ai ouvert le coffre, j'ai cherché fiévreusement dans les papiers et j'ai fini par trouver ce que je cherchais. Humphrey avait raison. Sœur Reuben était derrière la société des gisements du Mpala. Il l'avait volée, sciemment. Mais c'était encore pire, car cela donnait à mon frère un motif bien défini pour commettre le crime. J'ai remis les papiers à leur place dans le coffre, j'ai laissé la clé dans la serrure et je suis montée tout droit dans ma chambre. Le lendemain matin, j'ai joué la stupéfaction et l'horreur qu'éprouvaient tous les autres quand la femme de chambre a découvert le corps. Elle jeta à Poirot un regard impitoyable. « Vous me croyez, monsieur Poirot ? Oh, dites-moi que vous me croyez !»« Je vous crois, mademoiselle. Vous m'avez donné l'explication de beaucoup de choses qui m'intriguaient. Par exemple, votre certitude que Charles Leverson est le coupable et en même temps, votre persistance à vouloir m'empêcher de venir ici. »« J'avais peur de vous, » dit-elle avec franchise. Lady Astwell ne pouvait savoir comme moi que Charles était l'auteur du crime. Je ne pouvais rien dire. J'espérais contre toute attente que vous refuseriez de venir. Sans cette inquiétude évidente de votre part, j'aurais peut-être refusé, dit Poirot. Lily le regarda rapidement, elle tremblait. Et maintenant, qu'allez-vous faire ? En ce qui vous concerne, mademoiselle, rien. Je crois ce que vous dites et j'accepte votre version des événements. Il faut que j'aille tout de suite à Londres pour voir l'inspecteur Miller. Et ensuite ? Demanda Lily. Ensuite ? Nous verrons, dit Poirot. Et il sortit en fermant doucement la porte derrière lui. L'ingéniosité d'Hercule Poirot est vraiment stupéfiante, se dit-il avec complaisance. Et c'est ici que se termine notre chapitre 11. À demain pour le chapitre 12. Bonne soirée. La lecture du soir. Sur la radio des bons coins. La bonne lecture. Pour s'endormir, tout en écoutant. La lecture du soir. Avec Mona et Louison. Bonsoir les bons coins. Aujourd'hui, nous nous attaquons au chapitre 11. Dans les épisodes précédents, il ne s'est pas passé grand-chose de nouveau, je vous avoue que l'histoire se répète un peu. Alex et Messi se sont encore disputés et ont encore fini par se pécho au lieu de régler leurs problèmes. Et c'est à peu près tout. On retrouve donc nos deux héros en pleine scène post-coïtale. Alex inspira profondément pour calmer le rythme trop rapide de son cœur. La tête de Messie reposait contre son épaule, et ses cheveux au doux parfum de pêche s'étalaient en désordre sur son torse. Il déposa un baiser sur son front et caressa sa joue veloutée, mais cela ne suffisait pas. Il voulait plus encore. Beaucoup plus. Avec Messi, il avait du mal à se contrôler. Au moindre contact, l'air semblait vibrer d'ondes électriques. Elle l'attirait comme un aimant. « Messi, ma chérie, » murmura-t-il. « Je n'ai pas envie de te quitter, mais il faut que je m'en aille. » Elle s'étira voluptueusement et se souleva sur un coude. « Je sais. À côté, on va se demander où tu es passé. » Il l'embrassa de nouveau, longuement, puis, à regret, il s'écarta. « Demain, nous parlerons, » dit-il avant de s'habiller promptement et de sortir très vite. Il fallait qu'il se calme avant de retourner chez grand-mère. Au premier regard, n'importe quel inconnu devinerait qu'il venait de faire l'amour, et sa grand-mère saurait sûrement avec qui. Au lieu de rentrer, il se mit à marcher dans la rue. Qu'est-ce qui lui prenait? Comment pouvait-il perdre la tête de cette manière? Une discussion calme et raisonnable avec Messi s'imposait. Mais comment rester calme et raisonnable en présence de cette femme-là? Le seul élément positif dans tout cela, c'était Cory. Alex sourit à cette idée, et une douce sensation de chaleur l'envahit. Il sourit avec émotion en repensant à leur leçon de football. C'était pour Cory et Messi qu'il avait décidé d'accepter le poste à Florence. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à gagner la confiance de Messi et connaître ses sentiments à son égard. Il commençait à faire frais, et au bout de la rue, où il n'y avait plus de réverbère, l'obscurité l'entoura. Il frissonna et fit demi-tour, les pensées moins agitées. Il venait de comprendre que Cory et Messi constituaient sa nouvelle raison de vivre. Ed Pendergrass, qui tenait l'épicerie du quartier, passa près de lui sur le trottoir. Il le salua d'un signe de tête sans s'arrêter. Ada Johnson, une voisine, suivait Ed de peu. Elle s'arrêta. « Tu as vraiment organisé une fête formidable pour ta grand-mère, Alexander. Mais pourquoi n'es-tu pas resté jusqu'à la fin ?»« Merci, Madame Johnson. Je suis sûr que grand-mère a apprécié, mais ce n'était pas mon idée, vous savez. En quelque sorte, je me suis laissé porter par le courant. » « Eh bien, en tout cas, j'ai passé une excellente soirée, » conclut Ada avant de s'éloigner. Mais il ne l'entendait déjà plus. Se laisser porter par le courant. C'était ça la solution. Il fallait qu'il prenne un peu de recul. Il avait tout voulu trop vite. Il ne suffisait pas de claquer des doigts pour que tout s'arrange en un instant. Soldat, il avait appris la patience. Il devrait aussi appliquer cette sagesse à sa vie personnelle. L'obscurité dans la chambre enveloppait Messi comme une épaisse couverture réconfortante. Les seuls bruits dans la pièce étaient le tic-tac de l'horloge et les battements de son propre cœur. Elle avait adoré chaque seconde de ce moment avec Alex. Quand ils étaient ensemble, il se produisait une sorte de combustion spontanée, au point qu'à présent, elle redoutait de se perdre dans cet amour brûlant. Elle avait toujours pensé que l'amour ne la concernait pas, ne se jugeait pas digne d'être aimée. Mais elle savait à présent qu'elle aimait Alex d'un amour véritable, bien différent d'un béga d'adolescente. Éprouvait-il la même chose? C'était impossible à dire. Durant la semaine qui venait de s'écouler, elle avait découvert Alex Blocker. Elle l'avait vu comme un soldat au combat dans le parking de camions ravagés, comme un homme serviable proposant son aide à travers la ville, puis comme un ami gentil et attentionné quand il avait apporté son déjeuner au dispensaire. Et surtout, elle l'avait vu avec Cory et avec Willadine. Il semblait être un homme complexe qui ressentait les choses en profondeur, et non le militaire borné qu'elle avait imaginé. Elle préférait cette nouvelle version de lui au héros lointain de son enfance, et même à l'homme qui l'avait réconforté après le décès de CJ. Enfin, elle le voyait comme un homme au plein sens du terme. Et plus elle découvrait la profondeur de sa personnalité, plus elle l'appréciait. Elle l'aimait. Maintenant, la difficulté consistait à ce qu'il la voie de la même façon, ce qui était plus facile à dire qu'à faire. S'il avait imaginé qu'il trouverait très vite un accord au sujet de Cory, de toute évidence, c'était une erreur. Car le fond du problème n'était pas et n'avait jamais été Cory. Ce qui la tracassait, c'était ses sentiments pour Alex, et surtout ce qu'il éprouvait à son égard. S'il l'aimait autant qu'elle l'aimait, la question de Cory se résoudrait toute seule. Elle n'avait pas entendu la sonnerie du réveil, et elle était déjà en retard. Mais pour une fois, au moins, elle s'était réveillée fraîche et dispose. Elle aida Cory à s'habiller et l'entraîna en direction de la maison voisine. En s'engouffrant dans le hall, elle faillit heurter Alex. « Bonjour !» s'exclama-t-il. « Tu es donc bien pressé pour ne pas regarder où tu vas. Pourtant, on me voit. » Il adressa un large sourire à la jeune femme et un clin d'œil à Cory. Messi aimait quand Alex était comme ça. S'il s'était toujours montré aussi chaleureux, elle n'aurait peut-être pas pris cette stupide décision 5 ans auparavant. Excuse-moi, dit-elle, le cœur battant. Je suis encore à moitié endormie. Ça arrive à tout le monde. Je ne peux pas m'attarder ce matin. Je prends le petit déjeuner avec des amis militaires qui vont repartir pour Washington. Sur ces mots, il lui effleura la joue d'un geste furtif et sortit. Mais assis le suivit du regard. Comme il était beau, pensa-t-elle, le regardant rejoindre sa voiture. Il portait un polo bleu marine moulant qui mettait ses muscles en valeur, et un pantalon kaki impeccablement repassé. Absorbée dans sa contemplation, elle n'entendit pas qu'il l'appelait. « Messi, est-ce que tu seras chez toi ce soir ?» demanda-t-il en ouvrant la portière de sa voiture. Elle hocha la tête pour acquiescer. « Tant mieux, j'ai quelque chose à te dire. Je ferai un saut après le dîner. » Puis, sans lui laisser le temps de demander la moindre explication, il se glissa au volant et claqua la portière. Elle le regarda s'éloigner, l'esprit bourdonnant de questions. Voulait-il organiser la garde de Cory ? Envisageait-il toujours de lui prendre son enfant après ce qui s'était passé entre eux ? L'après-midi au dispensaire s'était écoulé lentement, laissant tout le temps à Messi de se débattre avec des angoisses à n'en plus finir. De quoi Alex voulait-il lui parler ? Elle aurait pu s'octroyer le mercredi après-midi en échange de la permanence du samedi matin, mais étant le seul médecin de la ville, elle estimait important d'être disponible pour d'éventuelles urgences. Si des gens se présentaient, elle les recevait sans rendez-vous. Cette demi-journée lui permettait aussi de rattraper son retard dans l'énorme paperasserie qui s'attachait à la moindre procédure. Mais cet après-midi-là, elle avait l'esprit ailleurs. À 16h45, elle commença à ranger ses affaires pour partir. 5 minutes plus tard, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir et le hall d'attente résonna de cris d'une femme mêlée aux pleurs d'un enfant. Messi gagna en hâte la réception. Madame Armstrong, livide, tenta de lui expliquer le problème entre deux sanglots. Elle portait dans ses bras son fils de l'âge de Cory, dont la main était enveloppée dans une serviette trempée de sang. Messi prit l'enfant par les épaules et le calma avec des paroles douces. « William, peux-tu me dire ce qu'il s'est passé ?» Le petit garçon renifla et ravala un sanglot. « Je me suis coupé. » « Je l'ai laissé 1 minute dans la cuisine pour répondre au téléphone, » expliqua sa mère. « Il a voulu continuer à ma place de préparer les légumes et il s'est coupé. C'est ma faute, » gémit-elle, apparemment plus bouleversée que son fils. « Un accident, cela arrive à tout le monde, Thelma. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. » Après avoir suturé le doigt de l'enfant, Messi expliqua à la mère comment nettoyer la blessure chaque jour. « Ramenez-le dans 10 jours et nous enlèverons les points, » conclut-elle. Madame Armstrong la remercia chaleureusement et sortit, promettant à son fils de lui faire un gâteau pour le soir. Messi esquissa un sourire. Mais ce petit contretemps l'avait retardé. Il était presque 18h. Elle prit ses affaires et s'empressa de regagner sa voiture. Alex arpentait le séjour de sa grand-mère comme un lion en cage. Messi était en retard. La preuve de ce qui était arrivé à Cornelius Jackson, envoyé par Jennifer Jackson, lui était parvenue, et il mourait d'impatience de montrer le document à Messi. Il espérait que cela marquerait une étape décisive dans leur relation. Sa grand-mère lui avait dit qu'elle rentrerait vers 17h15, et il était presque 18h30. Il s'efforça de garder son calme. Messi et lui avaient des choses à régler, et il ne fallait pas aggraver les tensions entre eux pour une ridicule histoire de retard. « S'il te plaît, je peux manger un cookie ?» demanda Cory, occupée à compléter un puzzle sur le parquet. « Non, fiston. Sinon tu n'auras plus faim pour le dîner, » répondit Alex aussi patiemment qu'il le pouvait. « Ta mère ne va pas tarder. » Sous l'effet de la colère, le visage de Cory se crispa et il balaya de la main le puzzle incomplet. « Tu peux pas me commander, t'es pas mon père !» s'écria-t'il. Comme frappé en plein cœur, Alex chancela légèrement, résistant à l'envie de corriger son fils. Il compta mentalement jusqu'à 10 pour se calmer. C'est moi qui te garde en attendant que ta mère vienne te chercher, répondit-il posément. Cela veut dire que j'ai le droit de te commander jusqu'à son retour. À cet instant, une portière claqua. Alex regarda par la fenêtre juste à temps pour voir Messi, chargée de plusieurs sacs de provisions, remonter à pas pressés l'allée qui menait chez elle. Maman est là ! S'exclama Cory, qui l'avait rejoint devant la fenêtre. Il sortit de la maison en coup de vent, et courut chez lui de toute la vitesse de ses petites jambes. Alex laissa retomber les rideaux. Il saisit l'enveloppe marquée « recommandée » et quitta la maison lui aussi. « Cornelius, combien de fois t'ai-je dit d'attendre chez Willadin que je vienne te chercher ?» L'air sévère, Messi adressa à son fils un regard de reproche. Ce dernier baissa la tête, ce qui donna instantanément à la jeune femme l'envie de le prendre dans ses bras pour le couvrir de baisers. « J'avais faim et oncle Alex a dit que je devais pas manger des cookies, » répondit-il l'air boudeur. « Mais c'est pas mon père, il peut pas me commander !» Ces mots transpercèrent comme une flèche le cœur de Messi. Comment les choses avaient-elles pu en arriver là? Il fallait sortir de l'impasse et trouver un accord avec Alex. De toute manière, à voir les échanges qu'il avait noués avec le petit garçon, elle ne pourrait plus l'éloigner de Cory. Et il était temps que celui-ci sache qu'Alex était son père. Mais comment révéler à un enfant une chose pareille? Il avait raison, répondit-elle. C'est lui l'adulte qui te garde, et il a donc le droit de te dire ce que tu dois faire. Tu vois ces sacs sur la table? J'ai apporté le dîner, car j'ai l'intention d'inviter Alex à le partager avec nous. Les yeux du garçonnet s'arrondirent. Aussitôt, il se précipita sur les sacs. Pas encore, arrêta Messi, tout en allant chercher des assiettes et des verres dans la cuisine. Tu n'as rien à faire pendant que je prépare tout? Me laver les mains? Suggéra Cory. Messi réprima un sourire. Oui, c'est vrai. Mais tu ne crois pas que tu dois d'abord des excuses à Alex? Mais maman, il a été méchant avec moi! Messi entreprit de mettre le couvert. Non, je ne crois pas qu'il ait été méchant. Écoute, je veux que tu ailles chez Willadine pour t'excuser d'être partie comme ça. Et ensuite, tu inviteras Alex à venir dîner avec nous. Oh maman! Il n'y a pas de « oh maman » qui tienne. Fais ce que je te dis. Plus vite tu feras tes excuses, plus vite tu pourras dîner. Oui, maman, j'y vais. Puis il se dirigea vers la porte en traînant des pieds, sous l'œil amusé de sa mère. Messi disposa des sets de table en tissu sous les assiettes. On ne mangerait peut-être que des hamburgers et des frites, mais on utiliserait de la porcelaine et on observerait les bonnes manières qu'elle essayait d'inculquer à son fils. « Maman !» appela Cory. Elle laissa échapper un soupir. « Je croyais t'avoir dit d'aller présenter tes excuses. »« Mais maman !»« Laisse, Cory, je m'en occupe, » dit une voix grave. « Je suis venue m'assurer que Cory était bien rentrée, » lui expliqua Alex qui se tenait sur le seuil. « J'ai entendu ta discussion avec notre fils. » Cory n'avait pas prêté attention au mot « notre ». En ce moment précis, il ressemblait à un petit animal pris au piège entre les deux adultes. « Tu n'as rien à dire à Alex ?» demanda Messi. Cory laissa échapper à un soupir résigné. « D'accord, » dit-il enfin. « Maman a dit que je devais m'excuser d'être partie en courant. »« Et quoi d'autre ?» insista Messi. Elle a dit que tu peux dîner avec nous. Il y a des hamburgers. Cette pensée ramena un sourire sur le visage du petit garçon. J'ai faim, maman. Est-ce qu'on peut manger tout de suite? J'accepte l'invitation, répondit Alex, amusé. J'avoue que j'ai un peu faim, moi aussi. Je n'arriverai jamais à apprendre à mon fils les bonnes manières, soupira Messi. Oui, nous pouvons manger tout de suite. Passons à table. Elle alla chercher un pot de thé glacé dans le réfrigérateur. Cory grimpa sur sa chaise et saisit un des sachets de hamburger. Messi, qui posait le pot sur la table, lui décrocha un regard sévère. « Tu pourrais attendre que notre invité soit installé. » Cory parut stupéfait. « Mais maman, c'est pas un invité, c'est oncle Alex. » La jeune femme leva les yeux au ciel en soupirant. Alex tira une chaise pour elle et l'invita d'un geste à s'asseoir. « Merci, » répondit-elle en s'installant. « Il y a au moins un homme dans la famille qui est bien élevé. » Elle se mordit la lèvre et jeta un regard inquiet à son fils. Mais elle avait parlé d'une manière détachée, et Cory n'avait pas compris. Alex s'assit en face d'elle. Elle versait le thé dans les verres quand elle avisa le paquet qu'Alex avait posé près de son assiette. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en reposant le pichet pour prendre son hamburger. « J'ai pris la liberté d'effectuer une petite enquête, » expliqua Alex en souriant. « Et tu seras peut-être surprise de voir ce que j'ai trouvé. Mais je préfère t'en parler tout à l'heure. » Sans savoir très bien pourquoi, Messi eut le sentiment que cette nouvelle allait bouleverser son univers, et elle sentit tout à coup son estomac se nouer. « Je te trouve très silencieux ce soir, Alex, » fit remarquer Messi en repoussant son assiette. « J'ai eu beaucoup de choses dans la tête ces derniers temps. » Messi eut un sourire lointain. « Je comprends. » C'était la première fois depuis des jours qu'elle lui parlait gentiment. Il brûlait de lui montrer le compte-rendu d'enquête de Jennifer Larsen. Impatient à présent, il avala en deux bouchées une tartelette aux pommes et s'essuya les lèvres avec une serviette. « Le dîner était délicieux. Je vais t'aider à débarrasser la table. »« Merci, » répondit Messi. « Cory, dès que tu auras fini ton dessert, tu pourras regarder la télévision jusqu'à 19h30. »« Ok, » répondit l'enfant. Mâchant la dernière bouchée de tarte, il descendit de sa chaise. « Ne t'essuie pas les lèvres, sur Tom !» s'écria Messi 2 secondes trop tard. « J'abandonne. » « Alex, si tu veux bien rassembler les emballages vides, moi je vais faire la vaisselle. »« Avec plaisir, madame, » répondit-il en exécutant une courbette comique. « J'essuierai même la vaisselle si vous ne craignez pas de confier votre porcelaine fine à mes grosses pattes. »« Mais je suis sûre que tu te débrouilleras très bien. » Alex plaça tous les emballages dans le sac le plus grand et porta le tout dans la cuisine. Il s'arrêta un instant sur le seuil. Messie était irrésistible, debout devant l'évier, les mains plongées dans l'eau savonneuse. Il aurait aimé se glisser derrière elle, retirer toutes les épingles qui retenaient ce stupide chignon et libérer ses superbes cheveux. Il soulèverait les boucles et l'embrasserait dans le cou, avant de la porter dans sa chambre pour lui faire l'amour. Mais il se raisonna. Il avait une stratégie bien précise et il ne fallait pas brûler les étapes. Il jeta les emballages dans la poubelle, puis se plaça derrière Messie. « Prêt pour la porcelaine ?» demanda celle-ci sans lever les yeux. « Pas tout à fait. » Visiblement étonnée, elle se retourna. « Je veux simplement te remercier pour le dîner, » murmura-t-il en lui soulevant doucement le menton. Envahie par une onde brûlante, la jeune femme s'abandonna à ses lèvres expertes. Si ce n'était qu'un baiser de remerciement, que serait un véritable baiser ? Elle passa ses mains couvertes de mousse autour du cou d'Alex pour se blottir plus étroitement encore contre lui. Et elle sentit battre son cœur à grands coups dans sa poitrine. Quand il approfondit son baiser, une vague de désir l'envahit, et elle retint un gémissement. « Ah, vous êtes là ?» fit une petite voix. Oulala, le dénouement se rapproche. Mais ce sera tout pour aujourd'hui, car c'est l'heure de dormir. On se retrouve demain pour la suite. Les gros bisous! La lecture du soir sur la radio des bons coins. La bonne lecture. Pour s'endormir. Toute l'équipe de la radio des Boncons vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de ces programmes.